La science CQFD, Natacha Triou. Le 14 avril, le ministère de la Transition écologique a remis son rapport sur les PFAS, ces polluants dits éternels. L'ampleur de cette pollution chimique serait sous-estimée. A-t-on raison de s'en inquiéter ? Dans l'eau potable, l'air ou les sols, les PFAS sont partout. Ce sont les polluants les plus persistants inventés par la chimie moderne. Depuis les années 50, ils sont massivement utilisés dans l'industrie. Des poils anti-adhésives aux emballages alimentaires en passant par les cosmétiques. Leur toxicité est pourtant connue depuis les années 2000. Pourquoi ces composés sont-ils préoccupants et que sait-on des risques sanitaires encourus ? Polluants éternels au nom du perfluoré. Francesca Romana Mancini, bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste nutritionnelle et environnementale, chargée de recherche INSERM dans l'équipe Exposome et Hérédité au Centre Épidémiologie et Santé des Populations. Xavier Dauchy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire d'hydrologie de l'Agence nationale sécurité sanitaire. Et Patrick Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et toxicologue, directeur du département santé et risques chimiques de Socotec Environnement. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter pour notre live tweet riche de sources, d'articles et d'études. C'est tout de suite @CQFD et c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc des caractéristiques chimiques de ces produits, de comment les détecter, de comment mesurer leurs effets sur la santé. Les PFAS, vous en avez déjà entendu parler, ils ont acquis une certaine notoriété avec le film Darkwater qui raconte le scandale sanitaire du PFOA aux États-Unis. Qu'est-ce que je suis supposé remarquer ? Vous êtes aveugle ou quoi ? Les pierres, là, blanches comme mes cheveux, complètement décolorées. Il y a que des produits chimiques qui font ça. Les bêtes, elles la boivent, cette eau. Elles se rafraîchissent dedans. Elles sont couvertes de chancres. Elles ont les yeux vides. Elles sont comme folles, elles chargent. Des bêtes qui venaient me manger dans la main. Et les autres, elles sont où ? Venez. Au début, je les enterrais, chacune dans un trou. Elles sont de la famille. Bah, il y en a eu tellement. Je les ai mis en tas pour les faire brûler. Et vous en avez perdu combien ? 100. 90. 190 vaches ? Vous aussi, vous trouvez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter ? Voilà, Darkwater, film réalisé par Todd Haynes en 2019. Xavier Dauchy, une réaction à cet extrait, à ce film ? Ce film retrace l'enquête d'un avocat qui défendait des fermiers américains qui vivaient à côté d'un site qui produisait des fluoropolymères à l'aide de PFOA depuis les années 50. Et donc, le fermier avait constaté qu'il avait une mortalité très importante dans le cheptel de ses vaches et était persuadé que c'était les produits émis par le site industriel qui en était la cause. Et donc, cet avocat, il a pris un avocat pour se défendre, qui, à la fin des années 90, a forcé l'industriel en question à ouvrir ses dossiers et à fournir des informations sur ses rejets et la nature de ses rejets. Et ça, c'est donc l'histoire, en effet, hein, d'un crime environnemental, Francesca Romana Mancini. Oui, c'est ça. Et en fait, ça a permis après de commencer plusieurs enquêtes aussi épidémiologiques dans des populations humaines qui ont permis quand même de mettre en évidence plusieurs effets néfastes liés à l'exposition à ces substances. Dans ces cas en particulier, c'était des expositions à des doses plus élevées parce que de toute manière, c'était des sites fortement contaminés. Et que c'est pas clairement le cas dans la plupart des endroits dans l'Amérique ou en Europe, mais c'était une première étape pour vraiment rendre connus les effets négatifs sur la santé en relation à l'exposition à ces substances, en particulier à PFOA. Voilà, on parle de doses très élevées, d'un scandale sanitaire très connu. Mais pour reprendre cette citation entendue dans cet extrait, en parlant de PFAS, Patrick Lévy, en parlant de PFAS, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bien sûr, quand on a des contaminations à ces concentrations dans l'environnement, ça entraîne des préoccupations tout à fait légitimes de la population. Le fait même qu'on ait des produits persistants dans l'environnement et dans le corps humain, quand bien même il n'y ait pas nécessairement des effets sanitaires, des effets sur la santé ou l'environnement, amène à des préoccupations et des attentes légitimes de la population. On parle de ces effets persistants. Je crois que c'est l'occasion aussi de redéfinir ensemble, Xavier Douchy, hein, qu'est-ce que c'est que les PFAS, hein. On en recense plusieurs milliers, vous êtes chimiste. Quels sont les différents types de PFAS et qu'est-ce qui les caractérise? Alors, PFAS, c'est un acronyme anglo-saxon, en bon français c'est PFAS, et qu'on peut traduire par substance per- et polyfluoroalkylées. Alors, c'est pas une molécule, en effet, c'est un ensemble qui regroupe des milliers de molécules. Et ces molécules, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont un nombre plus ou moins important de carbones qui sont entourés d'atomes de fluor. Alors, comme l'explication de l'acronyme le donne, on a deux catégories de PFAS, on a les perfluoroalkylés et les polyfluoroalkylés. Quelle est la différence? Un perfluoroalkylé, c'est un composé pour lequel tous les atomes de carbone sont fluorés. Cette identité particulière leur confère une extrême stabilité dans l'environnement, et si on dissémine des composés perfluoroalkylés dans l'environnement, ils ne vont pas se dégrader. Les polyfluoroalkylés, ils ont aussi une partie perfluorée, mais ils ont conservé des atomes de carbone avec des atomes d'hydrogène. Et ces produits, quand ils sont disséminés dans l'environnement, ils vont pouvoir subir un certain nombre de transformations, de dégradations, mais uniquement au niveau des liaisons carbone-hydrogène. Et au stade ultime de leur dégradation dans l'environnement, on va former un perfluoroalkylé qui sera stable. Et c'est pour ça qu'on les appelle, de façon générique, les polluants éternels, parce que quand on est au stade de composés perfluoroalkylés, il n'y a plus aucune dégradation possible dans les conditions de l'environnement. Les PFAS sont persistants, mais à quelle échelle de temps se dégradent-ils finalement? Alors, quand on est face à un perfluoroalkylé, type le PFOA dont on parlait en début d'émission, il n'y a aucune dégradation. Donc il y est ad vitam aeternam. Et alors, pour bien comprendre, plus un PFAS a de carbone dans sa chaîne, plus il est persistant dans l'environnement. Je veux bien comprendre. Non, c'est pas ça. Expliquez-moi justement aussi. Non, c'est la stabilité dans l'environnement n'a aucune relation avec la longueur de la chaîne perfluorée. En effet, il y a des perfluorés avec 4 carbones perfluorés, 6 carbones, 8 carbones. Mais c'est pas ça qui leur confère leur stabilité. Qu'ils aient 4 carbones, 6 carbones ou 8 carbones perfluorés, ils auront la même durée de vie dans l'environnement. Le fait que la chaîne soit plus ou moins longue, va leur conférer des propriétés, notamment de mobilité. Et plus la chaîne va être courte, et plus le perfluoroalkylé va avoir tendance à se disséminer sur des grandes distances. Il va pouvoir être plus facilement emporté, notamment par les eaux de ruissellement ou infiltré dans les nappes souterraines. Patrick Lévy. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler pour nos auditeurs, c'est que c'est une très vaste famille qui compte 10 000 substances, si on suit la définition de l'OCDE, parmi lesquels on a des gaz, on a des liquides, on a des poudres et on a des objets, des articles. Donc ça recoupe énormément de familles de substances chimiques, comme cela a été évoqué, avec des propriétés très très différentes. Physico-chimiques, la persistance diffère selon les substances. Et puis on le verra, on a des comportements dans l'environnement et des impacts sanitaires qui sont également très très différents. C'est ça, c'est qu'ils sont omniprésents dans de nombreuses applications industrielles. Oui, tout à fait. Compte tenu de leurs propriétés, donc on a évoqué la stabilité, la robustesse de la liaison carbone-fluor qui conduit à des propriétés particulières qui sont recherchées, en effet, par les industriels. C'est notamment la résistance à la chaleur, la résistance chimique, des propriétés qui permettent l'imperméabilisation. Et donc ça aussi, c'est une propriété extrêmement, extrêmement recherchée. Donc on voit tout de suite les applications multiples et variées qu'on va trouver dans différents secteurs industriels, professionnels, voire grand public. Pour ne citer que quelques exemples, on en trouve en très grand nombre dans le secteur de l'aéronautique. Dans un avion, vous en avez une multitude. Ça passe par exemple la câblerie des avions, aux tubulures permettant de véhiculer le kérosène, aux joints d'étanchéité. Donc ce sont des éléments de sécurité des aéronefs qui sont extrêmement importants. Vous en trouvez un nombre innombrable dans la chimie. Ce sont par exemple les polymères fluorés qui permettent de garantir l'étanchéité des installations industrielles et d'éviter les émissions de produits dangereux. Xavier Douchy, pour compléter sur ces atouts chimiques. Atouts chimiques, donc, on a parlé en effet de la stabilité et de l'imperméabilisation de différents supports, que ce soit des textiles, des cuirs, des papiers, des emballages alimentaires, puisque ces molécules vont créer une espèce de vernis à la surface des supports sur lesquels ils sont appliqués, qui va empêcher l'eau et les graisses de se fixer sur ces supports et permettre de les laver, de les nettoyer très facilement. Ils ont aussi une autre propriété, c'est que ce sont des super tensioactifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la capacité à se mettre à l'interface entre deux solutions non miscibles, typiquement de l'eau et un corps gras. Et c'est ce qui justifie aussi leur application dans les mousses anti-incendie, puisque dans les mousses anti-incendie, sur les feux d'hydrocarbures, le challenge, c'est de faire tenir une mousse aqueuse sur un hydrocarbure en feu. Et la mousse étant aqueuse, elle a tendance à s'étaler, à glisser sur l'hydrocarbure en feu. Elle n'étouffe pas l'incendie. Et donc, les perfluorés vont se mettre à l'interface et permettre à la mousse de rester au contact de l'hydrocarbure et de couper l'arrivée d'oxygène et de teindre les feux qui mettent en jeu des liquides type hydrocarbure ou des huiles. On comprend que les PFAS ont une chimie singulière, c'est pourquoi ils sont à la fois très résistants thermiquement et chimiquement. Ils peuvent aussi migrer dans tous les milieux, air, eau, sédiments. Francesca Romana Mancini, où est-ce qu'on en trouve? À quel point sont-ils répandus? Dans la population générale, ça veut dire la population qui n'est pas exposée dans nos milieux professionnels ou dans des sites qui sont connus pour être fortement contaminés. La source principale d'exposition est liée à l'alimentation et ça, c'est surtout à conséquence d'une contamination de toute la chaîne alimentaire par les PFAS, parce qu'en fait, ils ont contaminé l'eau et donc ils contaminent l'alimentation des vaches et donc on les retrouve dans les laits et par conséquence dans les fromages ou typiquement dans les poissons gras. En général, dans tous les produits d'origine animale, parce qu'on a une forme de bioaccumulation au long de la chaîne alimentaire. Et donc, l'alimentation représente sans doute une des principales sources d'exposition. Et ça, c'est aussi lié à une contamination secondaire des aliments liés, par exemple, à matériel d'emballage qu'on a évoqué tout à l'heure, ou aussi, par exemple, à les outils pour préparer les aliments, comme typiquement les poêles antiadhésives, par exemple. Et malheureusement, on les retrouve fortement aussi dans les laits maternels, la raison pour laquelle les enfants sont fortement exposés par les laits maternels, qui c'est un des moyens d'élimination des PFAS de l'organisme humain. Patrick Lévy. Alors, sur ce sujet, effectivement, si on regarde mais plutôt les situations passées des émissions industrielles, parce qu'en effet, il y a eu des sources d'émissions dans le passé, aujourd'hui, elles sont évidemment beaucoup mieux maîtrisées. Les contaminations de l'environnement que vous évoquez, de la chaîne alimentaire, résultent d'émissions dans l'air, provenant dans le passé de certaines installations industrielles, d'émissions dans l'eau, qui in fine se retrouvent dans les eaux de surface, dans les eaux profondes, et dans l'eau potable, cas échéant. Et puis, vous avez également la question des déchets, qui, à leur niveau, peuvent être source de contamination de l'environnement. Tant et si bien, comme cela vient d'être évoqué, on peut les retrouver dans tous les compartiments de l'environnement aujourd'hui, avec des comportements qui diffèrent selon les caractéristiques physico-chimiques des molécules. Et en 2001, une information assez étonnante aussi, l'omniprésence du PFOS est révélée dans la faune sauvage dans des endroits reculés comme l'Arctique. Patrick. Oui. Tout à fait, ça évoque le caractère mobile de certaines substances qui, via les poussières, peuvent se fixer sur des poussières et être retrouvées à très très longue distance des lieux d'émission, tant et si bien qu'on en retrouve, par exemple, dans la graisse de l'ours polaire et dans la faune de l'Arctique et de l'Antarctique. Alors comment cette surveillance des PFAS est-elle faite? Comment on peut évaluer leur présence dans l'environnement? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. À 16h15 sur France Culture, avec Francesca Romana Mancini, Xavier Doshi, Patrick Lévy, nous parlons des PFAS. Nous venons de voir pourquoi on appelait ces produits chimiques les produits chimiques éternels. Fin février dernier, le journal Le Monde faisait paraître la carte de la pollution éternelle en Europe. Cette enquête montre pour la première fois l'étendue de cette contamination, avec plus de 17 000 sites contaminés, dont 2100 qui sont des hotspots de contamination, Patrick Lévy, c'est-à-dire des échantillons où les concentrations de PFAS sont si élevées qu'elles sont dangereuses pour la santé. Donc en effet, la première source de ces contaminations, qui sont des contaminations passées, historiques, provient notamment de l'utilisation des mousses anti-incendie. À telle enseigne, par exemple, que vous en trouvez sur les zones aéroportuaires, où on a réalisé beaucoup d'exercices, les pompiers, utilisant des mousses anti-incendie qui entraînent des contaminations des sols. C'est un bon exemple, mais il y a évidemment des utilisations industrielles à l'époque qui étaient moins bien maîtrisées, avec des effluents et des émissions qui ont fini par contaminer l'ensemble des milieux, d'où le constat qui est fait aujourd'hui et le nombre très significatif de sites et sols pollués par des PFAS. Et toujours par rapport à cette enquête Le Monde, en France, plus de 900 sites sont pollués. Parmi eux, 108 sont des hotspots de contamination. Cette enquête montre que de Pierre-Bénite dans le Rhône au sud de Lyon jusqu'à la mer Méditerranée, ces sites doivent leur contamination au rejet de seulement deux usines. Xavier Doshi, les journalistes ont utilisé vos études sur les PFAS, notamment celles qui ont permis d'identifier les PFAS dans l'eau potable en sortie des usines. Comment vous avez identifié l'origine de ces produits chimiques ? Alors, on a travaillé sur les PFAS à partir de 2009-2010 et à l'époque on n'avait pas d'informations encore très précises sur quelles étaient les principales sources d'émissions de ces composés. Donc à l'époque on utilisait un petit peu la stratégie de en suivant la piste, c'est-à-dire on travaillait un petit peu comme des chiens policiers. Et donc on a mené en 2009-2010 une campagne nationale au niveau donc du territoire français, et on a effectué 300 prélèvements équitablement répartis sur le territoire. Et puis on a réalisé les analyses, interprété ces résultats, et on s'est rendu compte que sur quelques sites, on avait des concentrations qui étaient relativement atypiques, donc beaucoup plus fortes que ce qu'on observait dans la moyenne des échantillons qui avaient été collectés. Et aussi, sur certains sites, on avait des signatures de PFAS très très particulières, c'est-à-dire des PFAS qu'on ne retrouvait que, notamment, dans la vallée du Rhône. Donc à partir du moment où on a eu cette information, on a mené une stratégie de prélèvement en remontant le cours d'eau, et on est arrivé en face du site de Pierre-Bénite. Et c'est là qu'on a compris que la source de pollution sur le fleuve Rhône découlait de ce site industriel. Mais plus spécifiquement, comment en parvient-on à identifier les origines bien spécifiques aux PFAS identifiées dans ces échantillons d'eau ? En fonction des applications industrielles, c'est pas les mêmes PFAS qui vont être utilisés. Et notamment sur le site de Pierre-Bénite, on produit toujours un fluoropolymère qu'on appelle le PVDF. Et pour faire du PVDF, on a besoin spécifiquement d'un perfluoroalkylé qu'on appelle le PFNA. Donc, quand on trouve du PFNA dans l'environnement, à des concentrations qui dominent celles des autres PFAS, on a des fortes raisons de suspecter que la source d'émission est une fabrication de PVDF. Voilà, il y a d'autres PFAS qui sont des traceurs assez spécifiques de certaines applications industrielles. Voilà, pour l'analyse, l'examen de ces échantillons d'eau. Autre rapport important, le rapport de l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable, un rapport qui met en évidence le manque de données sur l'état de la contamination des milieux par les PFAS. Xavier Doshi, mieux évaluer cette contamination, mieux identifier les sources de pollution aux PFAS, ça c'est le nerf de la guerre. Oui, en effet, on a besoin d'acquérir des connaissances pour mieux évaluer les expositions, les quantifier et in fine évaluer les risques. Rappelons que l'évaluation des risques, c'est la connaissance des dangers, donc des profils toxicologiques des substances. C'est la connaissance de l'exposition de manière à pouvoir caractériser les risques. Dans une démarche, encore une fois, pragmatique et méthodique d'évaluation des risques chimiques. Donc on a besoin de ces données, et on ne peut pas se baser uniquement sur des extrapolations ou sur des données de modélisation, on a besoin de données quantitatives, donc de faire du mesurage dans l'environnement. Xavier Douchy. Oui, donc les campagnes justement qui sont menées sur les polluants émergents, l'objectif c'est de fournir des données d'occurrence et donc des données d'exposition. Alors dans notre laboratoire, on travaille uniquement sur l'eau potable, mais il y a d'autres compartiments à prendre en compte en termes d'exposition. Donc on en a parlé, notamment de lorsqu'il y a par exemple des émissions atmosphériques, il peut y avoir des inhalations de ces composés. Et les émissions atmosphériques peuvent aussi se traduire par des dépôts sur le sol, et c'est ce qui a été observé notamment sur le site de Pierre Bénite, et ce qui a entraîné une contamination notamment des œufs des poules qui vivaient à côté des installations. Donc c'est multi-compartiments et il faut avoir des données d'occurrence sur tous les compartiments qui peuvent contribuer à l'exposition humaine. Francesca Romana Mancini. Oui, et c'est pour ça que c'est aussi absolument essentiel de monitorer les niveaux de contamination de ces substances dans des autres matrices, comme on disait, en plus que l'eau, comme par exemple les échantillons alimentaires, parce que ça peut permettre d'avoir une estimation plus précise de les niveaux d'exposition à ces substances dans la population. Et donc, pas seulement dans la population qui est risquée à proximité des sites fortement contaminés, mais aussi de la population en général française, en sachant que de toute manière, il y a mobilité des produits alimentaires. Donc, il y a la commercialisation et ça, on ne mange pas seulement les choses qui sont produites à côté de nous. Et donc, c'est en fait un problème d'un niveau national et aussi bien plus large qu'un niveau de la nation. Le danger des perfluorés, on le connaît depuis le début des années 2000, c'est assez récemment. Désormais, on a des études épidémiologiques qui s'accumulent, la législation internationale qui réglemente certains PFAS. Il y a 4 PFAS particulièrement surveillés. L'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a produit une dose journalière admissible pour la somme de ces 4 substances. Xavier Douchy, pourquoi ces 4-là ? Alors, ce sont des contaminants, des PFAS qui étaient utilisés historiquement. Donc, il y a le PFOA, le PFOS, le PFHXS et le PFNA, dont on a parlé à l'instant. Donc, ce sont peut-être, probablement, les molécules sur lesquelles on a peut-être le plus de données toxicologiques. Et donc, c'est ce qui permet de construire des doses journalières tolérables. Et ce sont aussi des perfluorés à longue chaîne, donc qui ont un fort taux de bioaccumulation, et c'est pour ça aussi qu'ils ont dû être priorisés dans les travaux de l'EFSA. Et il faut aussi savoir que la somme de ces 4 molécules justifie 50% de l'exposition totale à la famille des PFAS mesurées, clairement. Pas 4000, mais parmi tous les PFAS qui ont été mesurés par l'EFSA, ces 4 représentaient 50% de l'exposition totale. Patrick Lévy. Oui, en effet, je rejoins le constat, c'est que ces substances sont particulièrement bien étudiées, donc on dispose de données toxicologiques qui permettent de décliner des valeurs seuil, des valeurs de référence. Pour autant, quand on parle de 10 000 substances, on a seulement une centaine d'entre elles qui ont fait l'objet d'enregistrements au niveau européen, au titre du règlement REACH. Pourquoi ? Parce que certaines d'entre elles sont des polymères et ne sont pas soumises à enregistrement. Et bon nombre d'entre elles sont produites en dehors de l'Europe, sont polymérisées en dehors de l'Europe et arrivent sur le marché européen à l'état d'article avec des dispositions réglementaires qui sont largement inférieures à celles que nous avons aujourd'hui sur les substances et sur les mélanges. Donc c'est un élément à prendre en compte. Donc aujourd'hui, la connaissance reste encore lacunaire sur bon nombre de composés de cette famille. Et on raisonne souvent par extrapolation, on peut faire des raccourcis en raisonnant notamment sur la persistance et à évoquer des propositions réglementaires qui ne peuvent pas aujourd'hui prendre en compte l'ensemble des données scientifiques. Francesca Romana Mancini. Oui, c'est vrai que la plupart des études épidémiologiques, donc des études faites dans des populations humaines, portent sur les PFOA et les PFOS, qui sont les plus étudiés, pour lesquels il y a maintenant des évidences plus et plus solides de leurs effets néfastes sur la santé. Mais ceci est évident que pour obtenir ces preuves scientifiques suffisamment solides, et c'est nécessaire d'avoir des années de recherche, parce que ça prend énormément de temps pour mettre en place des études épidémiologiques de bonne qualité. Donc c'est évident qu'on ne peut pas attendre d'avoir ce niveau d'épreuve pour toute la famille des PFAS avant de prendre des actions, parce que probablement il faudrait être plus strict dans l'application de principes de précaution vis-à-vis de tous les composants de la famille des PFAS. Patrick Lévy, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, à l'heure actuelle, les substances sont évaluées une à la fois. Oui, même si la tendance à terme, c'est plutôt d'opérer par groupe de substances, par famille de substances, c'est ce qu'on appelle le grouping en anglais, hein, qui est la grande tendance, et qui justement justifie la proposition de restriction, hein, qui a été proposée par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, et j'en ai oublié un, le Danemark, et qui vise justement l'ensemble de cette famille, avec une approche donc groupée et non plus substance par substance. Pour autant, aujourd'hui, la logique réglementaire européenne vise à évaluer les substances individuellement. Parlons, continuons de parler des risques sanitaires. Francesca Romana Mancini, quelles sont les pathologies déclenchées par les PFAS ? Qu'on sait. Hein. À l'état actuel, l'effet plus sensible, ça veut dire l'effet qui a été mis en évidence à des doses d'exposition les plus faibles, c'est l'impact sur les systèmes immunitaires et notamment sur la réponse immunitaire, par exemple, vis-à-vis des vaccins. Donc, ça va réduire la réponse, la couverture vaccinale, surtout en particulier dans la population des enfants. Et donc, ils auront une moins bonne réponse immunitaire suite à la vaccination. Mais il y a aussi des évidences que ces substances sont capables de perturber tous les systèmes métaboliques de l'organisme. Et donc, ils sont particulièrement relevants, par exemple, pour toutes les maladies comme, par exemple, les diabètes. Mais aussi, il y a des évidences d'une relation avec les risques des cancers. Et à l'état actuel, les évidences plus solides sont par rapport à les risques des cancers du testicule, cancer du rein et cancer du... pour les cancers du sein, il y a plus et plus de preuves et en général, tout ça, c'est lié à la capacité de ces substances de perturber les systèmes endocriniens. Et c'est pour ça aussi que ces substances sont considérées comme des perturbateurs endocriniens. Et donc, tous les organes qui sont sensibles à l'action hormonelle peuvent être cibles de PFAS. Patrick Lévy, pour compléter sur les pathologies déclenchées par les PFAS, les pathologies démontrées. Alors, pathologie démontée, c'est sur les troubles sur la reproduction, hein, qui font l'objet d'une classification européenne pour certains d'entre eux. Donc, ils sont considérés comme des substances toxiques pour la reproduction, altérant le développement fœtal pour quelques substances qui font l'objet d'une classification harmonisée au niveau européen à ce titre. Du point de vue de la cancérogénicité, nous n'avons que des signaux, je dirais, relativement faibles, et donc pas de PFAS à l'heure actuelle, identifiés comme des cancérogènes avérés pour l'homme. Et puis enfin, c'est ce qui a été dit, le fait le plus marquant qui apparaît à des concentrations extrêmement faibles, ce sont les impacts sur l'immunité et les effets probablement de perturbations endocriniennes. Alors, on va voir dans quelques instants pourquoi est-il si compliqué d'étudier leurs effets sur la santé. Restez à l'écoute. Pollution in the water, pollution. Coco Taylor, Pollution à 16h31 sur France Culture, car nous parlons de pollution au PFAS, ces polluants éternels. On en parle aux côtés de Francesca Romana Mancini, épidémiologiste nutritionnelle et environnementale, de Xavier Doshi, chercheur au laboratoire d'hydrologie de l'ANSES, et de Patrick Lévy, médecin et toxicologue. Nous venons de voir à l'instant qu'il existe une relation de causalité entre certaines pathologies et l'exposition au PFAS, notamment pour l'abaissement de la réponse immunitaire, que les PFAS peuvent impacter tout l'aspect reproductif. Il y a globalement une augmentation d'incidence des tumeurs aujourd'hui qui laisse à penser qu'il existe une influence forte de l'environnement et de l'exposition au PFAS sur le développement. Mais pour mettre ça en évidence, Francesca Romana Mancini, que faudrait-il faire? Des études épidémiologiques de forte ampleur? Oui, bien sûr, ça serait l'idéal, mais il y a des difficultés intrinsèques dans l'étude de ces substances qui sont en particulier liées à l'effet que toute la population est exposée. Et donc, c'est très compliqué de trouver un groupe d'études, des références, donc pour faire des comparaisons par rapport à l'effet en relation au niveau d'exposition. Et il y a l'autre difficulté, que c'est en particulier l'effet que les effets de ces substances peuvent être différents selon les moments de la vie dans lesquels les personnes sont exposées, c'est ce qu'on appelle des fenêtres critiques d'exposition. Ça veut dire un enfant exposé pendant la vie prénatale, ou plutôt qu'une femme exposée pendant la ménopause, ou un adolescent ou pendant la puberté, peuvent entraîner à des effets qui sont complètement différents. Il y a aussi la difficulté que la plupart des effets qui jusqu'à présent ont été mis en relation à l'exposition au PFAS sont des effets qu'on peut retrouver à long terme. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle un long suivi, un long follow-up des personnes exposées. Et finalement, la grande difficulté aussi, c'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, que cette substance, on les retrouve toujours en mélange. Ça veut dire plusieurs PFAS ensemble, mais aussi plusieurs contaminants d'autres familles qui peuvent avoir des interactions et peuvent donc avoir des effets qui peuvent être additifs ou synergiques par rapport au PFAS. Donc il y a énormément de difficultés liées à l'étude de ces substances-là. On a une idée d'ailleurs de ces effets cocktails que vous évoquez. Et des effets cocktails, oui, justement, donc, des PFAS ensemble. Enfin. Oui, les problèmes, c'est qu'on trouve ces substances toujours ensemble, donc c'est difficile d'attribuer un effet à une substance plutôt qu'une autre, quand on parle donc d'un problème de multicollinéarité. Mais il y a aussi le problème que certaines substances peuvent, par exemple, avoir un effet synergique, ça veut dire qu'elles peuvent augmenter l'effet en présence d'autres substances, que l'effet, ça ne correspondra pas à la somme des effets des substances prises individuellement, mais il y aura un effet donc synergique. Et ça, c'est difficile parce qu'évidemment, il y a un million de substances chimiques auxquelles on est exposé dans notre vie, et c'est évident qu'on ne peut pas étudier un million de combinaisons possibles. Patrick Lévy, pour compléter, pourquoi est-ce compliqué d'étudier les effets des PFAS sur la santé? C'est compliqué parce qu'on a vu que l'épidémiologie était complexe à mettre en œuvre, coûteuse. Et la relation de causalité est très, très difficile à mettre en exergue. Donc, l'autre moyen que nous avons à notre disposition aujourd'hui, c'est la réalisation d'études expérimentales en toxicologie. Hélas, encore aujourd'hui, avec le recours à des animaux vertébrés, des rats notamment, mais de plus en plus avec des méthodes alternatives qui permettent d'acquérir des connaissances par des méthodes in vitro, donc des études sur des cellules, des cultures cellulaires, ou bien par des méthodes dites in silico, donc grâce à de la modélisation, et probablement à terme grâce à l'intelligence artificielle qui permettra d'acquérir des connaissances et probablement davantage d'extrapoler des données acquises pour une substance à d'autres substances ayant des comportements relativement proches. Donc il y a bien des connaissances qui viennent de l'épidémiologie, de la toxicologie, et qui amèneront à mieux connaître cette famille de composés. D'ailleurs, Francesca Romana Mancini, vous faites partie d'un groupe de travail au Centre international de recherche sur le cancer qui est en train de réévaluer les taux d'exposition de PFOS et de PFOA en relation avec le risque de cancer. Biologiquement, en cas d'exposition au PFAS, que se passe-t-il? Il y a plusieurs mécanismes d'action possibles pour l'hyperfluorer. Oui, il y a plusieurs mécanismes d'action possibles et c'est un domaine de recherche qui est très actif et qui est en train de fournir des résultats inattendus et plutôt rapidement. Mais normalement, quand on parle des mécanismes d'action relatifs au risque de cancer par rapport à l'exposition au PFAS, les aspects plus pertinents sont en particulier, comme on évoquait tout à l'heure, la perturbation du système endocrinien. Et ça va particulièrement pertinent pour tous les organes qui sont sensibles à les actions des hormones. Donc, on pense par exemple à les cancers du sang, on pense à les cancers du testicule, on pense à les cancers de l'ovaire, etc. Aussi à la cancer de la thyroïde, mais il y a aussi toute une relation par les mécanismes d'action, les risques liés à la capacité d'augmenter le stress oxydatif et la stade d'inflammation chronique, en relation à l'exposition au PFAS, qui peut donc modifier l'environnement interne de l'organisme et favorir la formation de le développement de cancer. Et enfin, il y a tout un aspect épigénétique, donc qui sont des impacts sur l'ADN qui ne porte pas en modification de l'ADN, donc ils sont pas génotoxiques, mais qui portent en différentes expressions de certaines gènes qui peuvent donc favorir le développement du cancer. On soupçonne que les PFAS certains effets pourraient être transmissibles à la génération suivante. Est-ce qu'il existe des solutions simples et fiables pour leur destruction et leur élimination? Est-ce que des alternatives sont possibles? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. À 16h38 sur France Culture, avec Francesca Romana Mancini, Xavier Dauchy et Patrick Lévy, nous parlons des PFAS, les polluants éternels. Nous venons de voir les effets documentés et avérés de ces PFAS sur la santé, pourquoi il était compliqué d'en étudier les effets. On l'a dit, les PFAS sont durablement dangereux et polluants en raison de la stabilité de cette liaison carbone qui les compose. Mais des chercheurs ont bon espoir de découvrir des micro-organismes présents dans l'environnement qui seraient capables de dégrader naturellement cette liaison. Et c'est le sujet du reportage du jour avec vous, Antoine Beauchamp. Bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai rencontré Stéphane Vuillemier, qui est professeur de microbiologie de l'environnement à l'Université de Strasbourg et responsable de l'équipe Adaptation et Interaction Microbienne dans l'environnement. J'ai également rencontré Michael Riquelinck, qui est professeur de biochimie à l'Université de Strasbourg et responsable de l'équipe Biologie Digitale de l'ARN au sein de l'Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire. Leur travail consiste à isoler dans des sols ou des eaux polluées par les PFAS des micro-organismes, encore pour la plupart inconnus, et de voir si parmi ces bactéries ou ces microbes existent des organismes capables de dégrader les PFAS. Stéphane Vuillemier nous explique comment ces micro-organismes sont prélevés et isolés, puis Michael Riquelinck nous détaille comment, une fois ces bactéries isolées, on va les encapsuler une à une dans des micro-gouttes d'eau contenant un PFAS pour voir par fluorescence si ces bactéries ont une activité enzymatique qui permet de dégrader naturellement les PFAS. On commence ce reportage avec Stéphane Vuillemier qui nous ouvre la porte de l'endroit d'où toutes ces recherches partent. Alors là, on est à l'Institut, un département du CNRS qui s'appelle Génétique moléculaire, génomique, microbiologie. Et on est à l'étage où on fait nos travaux. Et là, on est à la chambre froide et on va pouvoir récupérer. Alors là, qu'est-ce qu'il y a dans cette glacière, d'une certaine façon? Oui, c'est une glacière, et puis elle contient plein de tubes avec des petits numéros dessus qui nous disent où ça a été prélevé, à quelle profondeur, à quel endroit exact. Et sur ces échantillons de sol ou d'eau, on a des analyses déjà qui nous disent globalement à quel point ils sont contaminés ou pas. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de caractériser la flore microbienne qui est dans ces échantillons et ensuite de voir s'il y a quelque chose qui dégrade les PFAS là-dedans. Alors, quels sont ces micro-organismes que vous allez observer? C'est la grande question, parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose de connu. Il y a quelques micro-organismes qui ont été décrits comme étant capables de dégrader l'un des très nombreux PFAS, parce qu'il y en a des milliers qui sont connus, et il y en a quelques-uns qui sont emblématiques. Ce qu'on cherche à dégrader, le point commun de toutes ces molécules, c'est la liaison carbone-fluor, qui est la plus stable ou une des plus stables connues. c'est une nouvelle chimie, mais c'est aussi du coup une nouvelle biologie. Même si le monde microbien est celui qui, a priori, peut évoluer le plus vite ou s'adapter le plus vite à de nouvelles substances, à de nouvelles entités, on ne sait pas quelles solutions vont pouvoir être trouvées par le vivant pour essayer de casser ces liaisons. Tout l'intérêt du projet, c'est d'avoir des systèmes qui permettent de détecter ces rares événements de dégradation. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra dans un autre labo. On est sorti du laboratoire, on va se diriger vers votre laboratoire, Michael. Est-ce que vous pourriez me le présenter et me dire ce que vous allez y faire ? Absolument, donc là on va se diriger vers l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire, qui est un institut CNRS. Et donc, il y a 3 unités de recherche qui sont dans ce bâtiment. Et nous, on va se rendre dans l'unité de recherche qui s'appelle Architecture et réactivité de l'ARN. Tout à l'heure, on parlait de détecter l'activité, de détecter la production des fluores. Et en fait, il se trouve qu'on a développé un outil ARN, alors qu'il n'a rien à voir avec l'ARN. Messager, messager, etc. Parler, mais... Ça reste chimiquement la même molécule, mais ce n'est pas du tout un ARN messager. Et donc cet ARN devient très très fluorescent en présence de fluor. Et donc l'idée de ce qu'on utilise ici, c'est identifier ces molécules, donc regarder les bactéries l'une après l'autre, et grâce à cette molécule d'ARN, si la molécule devient fluorescente, on sait que la bactérie a la capacité et réactive et possède cette activité enzymatique qu'on recherche. Une fois que cet échantillon vous arrive, qu'est-ce que vous allez en faire et comment vous allez continuer à travailler dessus ? Cet échantillon va arriver ici, il va d'abord être travaillé par un biologiste qui va préparer les bactéries, donc les faire repousser un petit peu si nécessaire dans un milieu de culture adapté. Et ensuite, on va aller interroger chacune de ces bactéries pour savoir est-ce qu'elle a ou pas l'activité qui nous intéresse. Maintenant, le défi, c'est qu'on a plusieurs millions d'individus différents par gramme d'échantillon. Et donc, si on devait, en tube conventionnel, aller analyser chacun de ces échantillons, ça représenterait un coût et un temps faramineux qui sont tout à fait inaccessibles par les méthodes conventionnelles. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un autre type de microbiologie. Et donc, ces bactéries, on va les isoler dans des petites gouttes d'eau dans l'huile. Petite, c'est vraiment petite. Alors petite, c'est vraiment petite, c'est des picolitres. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on est à 10 puissance moins 12 litres, on est à 1 milliardième de millilitre. Et dans chacune de ces toutes petites gouttes, on aura une bactérie avec un test qui nous permettra de savoir si la bactérie possède ou pas une activité. Quand on parle d'activité, donc c'est cette activité qui pourrait permettre de dégrader des PFAS. Absolument, donc c'est une activité qui permettra à la bactérie de libérer le PFAS de son atome de fluor ou de ses atomes de fluor, et donc rendant le composé beaucoup moins toxique et dangereux, et puis surtout le composé pourrait être assimilé par la bactérie pour sa propre croissance, et donc du coup on aurait vraiment un cas là, de bioremédiation où on ferait disparaître, dans le meilleur des cas totalement, le composé. On arrive ici dans le laboratoire de microfluidique. Et donc, on a ici une puce microfluidique. Et donc, dans cette puce, on fait circuler des liquides. Ce qui nous permet de travailler aux échelles micrométriques et de produire comme ça ces gouttes à très haute cadence. Mmh. Et on pourra, le lendemain, réinjecter ces petites gouttes dans une autre puce microfluidique et à l'aide de systèmes laser, mesurer goutte par goutte, est-ce qu'il y a fluorescence ou pas. Et donc, on va pouvoir aller jusqu'à 1 million d'analyses par heure et récupérer uniquement les gouttelettes qui procèdent de la fluorescence qui nous intéresse. Ce qui va se passer ensuite, une fois qu'on aura récupéré les bactéries qui nous intéressent, on va les retransmettre à Stéphane, à côté, et donc ils vont pouvoir étudier l'activité de ces bactéries, séquencer leur génome aussi, puisque ce sont vraisemblablement des organismes inconnus encore à l'heure actuelle. Donc nous, on est vraiment dans une approche fonctionnelle où on cherche d'abord l'activité et ensuite la bactérie sera séquencée pour rechercher le gène d'intérêt. Est-ce que vous envisagez une synthétisation des substances produites par ces bactéries qui dégradent les PFAS ? Et si oui, à quelle échelle et à quel horizon de temps ? Il y a 2 approches qui peuvent être imaginées une fois que l'enzyme sera identifié. La première, ce sera identifier l'organisme en tant que tel, donc l'organisme naturel, et l'utiliser pour ensemencer éventuellement l'environnement pour dégrader les PFAS qui s'y contiendraient. L'autre approche, ce serait des approches par biocatalyse, donc qui reviendraient à identifier le gène et ensuite l'introduire dans une bactérie de laboratoire pour une production de l'enzyme à l'échelle industrielle, où on pourrait alors imaginer l'utilisation de bioréacteurs qui permettraient de traiter de gros volumes d'échantillons contaminés et ensuite convertir les PFAS. Donc c'est vraiment les 2 aspects potentiels. En ce qui concerne la temporalité de tout ça, je pense qu'on est sur un projet qui est au démarrage. Alors dans 3 ans, on espère avoir les premiers gènes identifiés, mais après il y aura tout un travail ou de passage à l'échelle éventuellement industrielle, à l'étape de valorisation aussi de tous ces composés. Donc je pense qu'il faut se laisser une fenêtre de 5 à 10 ans à peu près pour voir si on souhaitait avoir quelque chose d'applicable réellement. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Xavier Dauchy, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, parce que ce que décrit bien votre reportage, notamment à la toute fin du reportage, c'est qu'on est sur un projet de recherche, manifestement, qui en est à ses tout débuts. Et donc, il va y avoir un certain nombre d'étapes à franchir. Notamment, la première, ça va être d'isoler ces fameuses bactéries qui seraient capables de briser des liaisons carbone-fluor. Et puis après, ça sera de passer du stade du laboratoire à l'application sur le terrain à une échelle beaucoup plus importante. Actuellement, là, ils ont parlé de bioremédiation. Actuellement, on fait de la remédiation, du traitement pour dépolluer plutôt des sites contaminés. On va pas s'adresser actuellement à de la contamination diffuse. Et les deux stratégies qui sont mises en œuvre pour faire de la remédiation ou du traitement de dépollution, on va chercher soit à immobiliser, isoler, retenir les PFAS pour les sortir du compartiment où ils nous ennuient, ou alors on va chercher à les détruire. En matière d'eau, il y a des solutions qui sont développées, qui sont assez éprouvées maintenant, qui fonctionnent, où on va filtrer l'eau sur des super filtres qui vont bloquer les PFAS et les concentrer de l'autre côté de la membrane et éviter qu'ils se retrouvent dans l'eau potable. Il y a des systèmes de filtration par charbon actif qui marchent pour des PFAS qui ont plutôt des longues chaînes perfluorées. Et puis, il y a des systèmes aussi avec des résines échangeuses d'ions qui sont appliquées aussi dans des eaux industrielles et qui marchent pour des PFAS qui sont polaires, qui ont un caractère ionique. Il faut bien reconnaître que, pour le moment, à l'échelle vraiment du terrain et applicable sur des sites où il y a des contaminations, on est plutôt sur de la stratégie d'immobilisation, de captation, de rétention. En termes de destruction, l'une des seules solutions qui soit vraiment mise en œuvre actuellement, c'est plutôt pour des sols. Et là, ça va passer par le décaissement des sols pollués et leur incinération pour pouvoir détruire les PFAS. Ce qu'on voit dans votre reportage, c'est vraiment un projet expérimental. On cherche, et c'est vraiment là-dessus que beaucoup de gens travaillent avec cette solution biologique, mais avec d'autres procédés chimiques, à pouvoir dégrader, casser cette liaison carbone-fluor qui est extrêmement forte. Patrick Lévy, pardon, vous aussi une réaction à ce reportage ? Oui, alors avant de parler de traitement durable des sols et de l'eau, il faut rappeler à nos auditeurs qu'en situation de dépassement des valeurs de référence, donc notamment de sites et sols pollués ou d'eau contaminée, les autorités sanitaires locales, donc les agences régionales de santé, les ARS, interdisent la consommation de l'eau potable lorsqu'elle est contaminée, interdisent la consommation de certains aliments, c'est le cas des œufs qui ont été évoqués tout à l'heure, certains végétaux qui sont autoproduits par des particuliers dans les zones fortement polluées. Donc c'est une mesure de sauvegarde qui permet de réduire immédiatement la consommation d'aliments pollués. Et puis interviendront effectivement des techniques de traitement des sols et de l'eau, dont on voit effectivement quelques solutions apparaître aujourd'hui, qui vont permettre d'apporter des solutions plus pérennes. Compliqué quand même d'imaginer des solutions, en tout cas à l'heure actuelle, pour dépolluer. Xavier Dauchy, a-t-on envisagé de diminuer la toxicité des PFAS ? Quelle substitution serait possible avec d'autres substances chimiques ? Puisqu'on voit qu'elles sont si indispensables à l'industrie. Alors, quand on parle de substitution, d'alternative, il y a en effet deux façons de voir les choses. Soit on va substituer un PFAS qui présente des propriétés préoccupantes par un autre PFAS qui n'aurait pas les inconvénients de celui qu'on veut substituer. Et donc là, on reste dans la même classe de produits chimiques. Et puis l'autre stratégie, c'est carrément de substituer un PFAS par un composé qui appartient à une autre classe chimique. En tout cas, ce qui est important d'avoir présent à l'esprit, c'est que quand on recherche des alternatives, pour que cette alternative soit crédible et applicable, il faut qu'elle puisse répondre à au moins trois critères. Le premier critère, c'est que sur un plan technique, cette alternative présente la même efficacité que le PFAS qu'on veut substituer. Il faut, deuxièmement, que cette alternative ne présente pas d'effet délétère pour la santé. Et, troisièmement, il faut que cette alternative ne présente pas non plus d'impact défavorable pour l'environnement. En l'occurrence, qu'elle ne soit pas très stable dans l'environnement, qu'elle n'ait pas tendance à s'y bioaccumuler et que quand elle se dégrade, elle ne génère pas de produits toxiques. Donc voilà, il y a, en matière d'alternatives, il y a des choses qui existent. Hein. Il y a des, on voit apparaître des mousses anti-incendie sans fluor. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés. Il y a des différentes options qui sont référencées, recensées par différents organismes. Il y a encore du travail et je pense que les alternatives, on va les trouver, mais il y a encore un certain nombre de questions à régler. Oui, pour remplacer ces PFAS historiques désignés comme dangereux par la recherche, l'industrie chimique a eu recours à de nouvelles substances perfluorées appelées les PFAS nouvelle génération. Patrick Lévy, ces nouvelles substances ne sont pas réglées non plus. Non, effectivement, on déplace le problème et c'est la raison pour laquelle on envisage aujourd'hui des initiatives réglementaires qui portent sur l'ensemble de cette famille, qui répond à la définition de l'OCDE. La question est de savoir qu'est-ce qu'on souhaite faire dans le futur, parce qu'en effet, il faut bien distinguer des usages de PFAS qui sont aujourd'hui considérés comme essentiels ou quasi-essentiels. On en a par exemple dans la pharmacie, si on utilise pour synthétiser des médicaments, par exemple aujourd'hui. J'évoquais tout à l'heure les usages dans l'aéronautique ou dans la chimie, hein, qui sont difficilement ou quasiment pas substituables. Par comparaison à des utilisations qui, a priori, peuvent être plus facilement substituables au prix d'une dégradation de la performance, le cas échéant. Merci. On a de nombreux appels et de tribunes qui appellent que la réglementation française et européenne sur ces substances chimiques soit révisée d'urgence. Merci à vous trois de nous avoir éclairés à ce sujet. Il est temps de retrouver Étienne Klein et sa chronique, le pourquoi du comment. De quoi la matière noire est-elle faite ? En cosmologie sont apparus deux problèmes dont nul ne sait prédire sur quel bouleversement ils pourraient déboucher. Ils concernent l'un comme l'autre l'inventaire du contenu matériel et énergétique de l'univers. On a découvert qu'une grande partie de ce contenu était de nature parfaitement inconnue. Or, c'est le contenu de l'univers qui détermine son évolution. D'une part celle qu'il aura dans le futur, d'autre part celle qu'il a eue dans le passé, y compris dans son passé le plus lointain. C'est pourquoi, depuis quelques décennies, les physiciens, plutôt que de voir la vie en rose, donnent parfois l'impression de broyer du noir, ce qui a pour effet paradoxal d'exciter leur imaginaire et de leur faire passer des nuits blanches. Ils parlent de matière noire et d'énergie noire. Mais que veulent-ils dire lorsqu'ils disent d'un corps, d'un milieu, d'un objet ou d'une substance qu'ils sont noirs ? Commençons par la matière noire. Depuis quelques décennies, l'observation de la dynamique des galaxies incite à supposer que la partie visible des galaxies est enveloppée par une masse énorme de matière invisible. Il y aurait en somme une matière supplémentaire qui agirait gravitationnellement, mais n'émettrait pas de lumière. Tout récemment, d'autres phénomènes sont venus renforcer le crédit qu'il faut accorder à cette interprétation. On sait, par exemple, que la lumière est déviée par des masses élevées. Or, pour nous parvenir, la lumière issue de certaines galaxies lointaines a dû passer à proximité d'un amas de galaxies. Sa trajectoire a donc été distordue en cours de route, comme si elle était passée au travers d'un système optique. La galaxie nous apparaît alors non plus comme un point brillant, mais comme un arc lumineux. On parle de mirage gravitationnel. De la forme et des dimensions de ces arcs, on peut déduire la masse de l'amas de galaxies responsable de cette déformation. Or, le résultat obtenu est sans ambiguïté. La masse de l'amas ainsi mesurée est 10 fois supérieure à sa masse apparente, c'est-à-dire à la masse que révèlent les étoiles visibles qu'il contient. Il y a donc bien de la masse invisible, une matière qui agit gravitationnellement, mais n'émet pas de lumière. Cette matière est dite noire, au sens où elle demeure mystérieuse, mais elle n'est pas noire au sens physique du terme. Il s'agit plutôt d'une matière qui n'émet ni n'absorbe de lumière, qui est donc parfaitement transparente. De quoi est-elle faite ? Se pourrait-il qu'elle soit constituée de particules que nous connaissons déjà ? Les physiciens l'ont longtemps pensé, mais ils ne le pensent plus. Si elle existe bel et bien, la matière noire est donc composée de particules radicalement nouvelles. Mais lesquelles ? Certaines théories, telles la supersymétrie, prédisaient l'existence d'une particule appelée le neutralino, dont les caractéristiques faisaient d'elle un candidat privilégié pour être le constituant de la matière noire. Mais cette particule n'a jamais pu être détectée. Se pourrait-il alors que la matière noire n'existe pas, qu'elle constitue en définitive un faux problème ? Car en réalité, le désaccord entre le mouvement observé des galaxies et ce qu'indiquent les calculs met en présence d'une alternative. Soit on accepte de compléter le mobilier ontologique de l'univers au nom des lois physiques bien établies par ailleurs, en l'occurrence celle de la gravitation, et dans ce cas il faut considérer que la matière noire existe bel et bien, et il ne reste plus qu'à identifier sa nature, ce qui n'est pas facile. Soit on remet en cause les lois physiques pour éviter d'avoir à peupler l'univers d'objets inconnus, de mystérieux fantômes. Dans ce cas, il faut corriger les lois de la gravitation pour rendre compte de la dynamique des galaxies, sans qu'il soit nécessaire de postuler l'existence d'une matière noire, ce qui n'est pas facile non plus. Laquelle de ces deux voies faut-il choisir ? Pour l'instant, l'important est justement de ne pas choisir de façon trop ferme, car nul ne sait si le problème de la matière noire constitue pour la physique une crise législative ou une crise ontologique. Je vous invite donc à vous montrer patient en la matière. En la matière, d'ailleurs, c'est le mot. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe, merci à Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Nafi Terras, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui d'Aliya. Cette émission, ce podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.